Before we move on to the next part of the scene, here's the new language. As before, listen, understand, listen again and repeat. C'est ça. That's it. C'est ça. Je ne comprends pas. I don't understand. Je ne comprends pas. Très. Very. Très. Très bien. Very good. Très bien.